1975, date de la création, il y a FC 107. Déficit à la bagua, efficacité, disponibilité, compétence, on a tout gagné. Et ça l'a fait équiper à la surprise de Miné de la Gabon, FC 107. 1975, date de la création, il y a FC 107. Efficacité, disponibilité, compétence, on a tout gagné. Et ça l'a qu'à équiper à la surprise de Miné de la Gabon, FC 107. Les forces armées gabonaises, creuset de l'unité nationale et garante de l'intégrité et des institutions nationales, apportent leur contribution au sport national en encadrant la jeunesse gabonaise et entretenant la plus grande association sportive du Gabon, qu'est le Football Canon 105. 1975, date de la création, il y a FC 105. Devise là-bas, moi, efficacité, disponibilité, compétence, on a tout gagné. Date de la création, la FC 107. Devise là-bas, moi, efficacité, disponibilité, compétence, on a tout gagné. Et ça l'a qu'à équiper à la surprise de Miné de la Gabon, FC 107. Secrétaire général Ivan Gablès, Bossimba F505, Abima champion, Nakati à Gabon. Mouana Nyon soit Kobotama, Sokialini Kobeta mon tempête, Akotana F505. F505, équipe à Panamboka, surtout Nakati à Gabon, Tokumisa Bango. Babeta motope, bazalaka somo, somo, somo na katia Gabon e. Boya, boya tokende, okumisa, imani bamu. Boya tokende, okumisa, okanga babistro. Boya tokende, okumisa, botika misala. Boya tokende, okumisa, FC 105. FC 105. Équipe mon aîné, Nankati à Gabon. Asaka nakate na bantagoniste naye. Oh, FC 105. Botoun entraîneur Ibrahim Sundai, directeur technique, Bikinda Walker. Bango baebi sekele ya FC 105. Nanya kolinga, koye ba sekele. Basaka na kate na moto peu. Basaka na kate na technique. Baebi bango na kati Afrique. F505, équipe mon aîné. Boya, boya tokende, kokumisa, imali bango. Boya tokende, kokumisa, bokanga la bistro. Boya tokende, kokumisa, botika misala. Boya tokende. F-505, Babeti à ballon, combo na bango, boye. Obama et Victor, Obama et Blaise, Ogula Matuti, Debré, Makaya, Biogi, Sadi, Biga, Sosa, Duka, Rambe Dambia, Luba, Bakissi, Mevale Aladj Ibrahim, Fasciné Kamara, Efayong, Mongwengi, Man Louis Salah, oh MC 105, président et équipe Nabangon Manon Paul, FC 105, Toko Kumisae, Boya, Boya Tokene, Toko Misa, Ima Limamu, Boya Tokene, Toko Misa, Bokanga Babistro, Boya Tokene, Toko Misa, Botika Misala, Boya Tokene, Toko Misa, FC 105. Namo Kolo ya Yenga, Soki na Zalina Katia Libreville. Soki na lingi kokende kota la football na kati estade Omar Bongo na koluka président ya ba supporter kombo na ye président Masala vice président Aziz Aizeli secrétaire général China Prosper trésorier Wolbert Jacques Bango Basimbi FC 105 Devise à F505, efficacité, disponibilité, compétence. Boya, Boya Tokene, Kokumisa, Imani Baku, Boya Tokene, Kokumisa, Bokangala Bistro, Boya Tokene, Kokumisa, Botika Misala, Boya Tokene, Kokumisa, F505. Équipe yaba grande surprise et Zalaka équipe yaba grand jour. Oh maman ah, bano yon baton beta ndembo, bata la simate bata la pembenite, bazali kaka kokene. Technique kota FC 105 na makila, babeta ndembo bango bako solote. Babeta ndembo, bango batara pembeni, pembenite, oh FC 105. Bako beta ndembo na décision, mama e. Boya, boya tokene, boko misa, imani bangu. Boya tokene, boko misa, bokanga na bistro. Boya tokene, boko misa, botika misala. Boya tokene, boko misa, FC 105. Zalina ba membre d'honneur na kati équipe na bango général Paouma lieutenant colonel major Mbe commandant donc Sangui colonel Gado commandant Mini colonel Estaï monsieur Mata monsieur Boussamba Kouka monsieur Mbadou monsieur Voronko monsieur Mebale monsieur Valentin monsieur Pouo monsieur Konike Oluna mama e Oya Oya Imani bangu, boya tokene, koko misa, bokanga babiso, boya tokene, koko misa, botika misala, boya tokene, koko misa, FC 105. Lula Kiyo, Lissumonini Nasala, Nyasopo tondi nzotre na memi kuzala mulwe ngana zoki nzubero fungola ngai ndako ngai na leli ye moli matangwe kobandaka na motema se ya moto moko kino ekokutamile motema ya moto mosusu soki nga na bandaki yo nzambe moto atindaka boye mobali ya banda mwasi nsima balinga na bandaki yo lisumu nini na sala nyonso mpona zolikanisi oyo ya kolinga yo lulunandimi depeta bolingo motoki etondi nzotwe na memi kuzala mulwe nga nazoki nzubero fungola ngai ndako nga naleli yo bolingo tangwe kobandaka na motema se ya moto moko kino ekokontamine nakoma komituna nini etwi ngai mama na pusaki lolendo mosala sekonyokolo basi elo yonga na suki Burundi na misimisa biro babengaki ngai bureau de coeur nga nazwi etumbwe ntongo ezali kotanela nga se na libanda mama fungola ngai ndako ngai naleli ye bolingo tangwe kobandaka na motema se ya moto moko kino ekokontamine motema ya moto mosusu soki nga na bandaki yo nzambe moto atindaka boye mobali ya banda mwasi nsima balinga na nakoma komikamwe nini etwi ngai mama na pusaki bageste mosala sekonyokolo pasi elo yonga na suki moseka mama na misimisa biro babengaki ngai bureau de coeur nga nazwi etumbwe ntongo ezali kotanela nga se na libanda mama fungola ngai ndako ngai naleli ye bolingo tangwe kobandaka na motema se ya moto moko kino ekokontamine motema ya moto mosusu soki nga na bandaki yo nzambe moto atindaka boye mobali ya banda mwasi Mabalikana. chers amis. Je t'ai marié na papa Toto. Ibala boba na zokane boye. Moi pas comprendre mon bali oyo. Toujours des problèmes, toujours des palabres. Si comme ça je rentre chez nous, la kata ilanga na bokolo bana basali sanga yo. C'était une fois mes chers amis. Je t'ai marié na papa Dondo. Ibala bombana zokane boye. Moi pas comprendre mon bali oyo. Toujours des problèmes, toujours des palabres. Si comme ça je rentre chez nous, la kata ilanga na bokolo bana basali sanga yo. Chers amis, je t'ai marié na papa Dongo. Libala bomba na zokane boye. Moi pas comprendre mon bali oyo. Toujours des problèmes, toujours des palabres. Si comme ça je rentre chez nous, na kata ilanga na bokolo bana na salisanga yo. Papa, papa signo son asali como na sempo ya libala bombanda. Nana sala nini diye, nana pemi sanso. Koli na isanga koli gozambe o, ya moga na kokate. Eme sanso mon chérie, nebe wino di ke. Nono, nana koli nga papa, tika ko sala nga boye. Na zo kimpota na molema, deception ya bolingo. Aimer sans amour chéri, naina kolinga te. Kolinga ezanga bolingo zambe o, yangonga na kokate. Aimer sans amour chéri, nebe wino di ke. Kolinga mote zali po mote, zambo papa. Papa sinyo sana zali komo na sempo ya libala bombanda. Nana sala nini mama, nana pemi sansa. Kolinga ezanga bolingo zambe o, yangonga na kokate. Aimé sans amour chéri, n'aie na kokokate. Kolinga ezanga bolingo zambe o, yangonga na kokate. Aimé sans amour chéri, n'aie na dike. Kolinga motezali bomumbute, zambo papa. Papa signo sana zali komo na sempo ya libala bombanda. Nana sala nini diye, nana pemi sanzo. Kolinga ezanga bolingo zambe o, yangonga na kokate. Aimé sans amour chéri, nebe wino di ke. Nono nana kolinga chéri, tika ko sala nga boye. Na zoki mpota na molema, deception ya bolingo. Aimé sans amour chéri, ngai na kokokate. Kolinga ezanga bolingo zambe o, yangonga na kokate. Aimé sans amour chéri, nebe wino di ke. Kolinga motezali etu mote, zambio papa. papa sinyo so na sali komo na sempo ya libala bombata ngana sala ni didi pona pemi sanzo bolingo ezaka bolingo zambe o yango mana kokate eme sanza mon chérie ne veru le dika oneme ngana kolela papa tika kosala nga boye na zoki mpota na molema deception ya bolingo Aimé sans amour chéri, rien à colingate. Bolinga est un bolingo zambéo, yamo mana kokate. Aimé sans amour chéri, ne me ruine ni cœur. Asokoi. Sans amour chérie, ne me mine du cœur.